Exercice 2, page 71. A. Directeur. B. Seulement. C. Écureuil. D. Ailleurs. E. Bonheur. F. 14. G. Cordonnier. H. Poissonnerie. I. Aquarium. J. Formateur.